Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 24. La phrase clé du jour est... Veuillez ne pas l'utiliser. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Aujourd'hui, elle suit le cours de japonais du professeur Suzuki. Écoutons le sketch de la leçon 24. La phrase clé est... 使わないでください. Veuillez ne pas l'utiliser. はい、今日はここまでです。 来週の月曜日に試験をします。え、先生、辞書を使ってもいいですか？いいえ、ダメです。使わないでください。Laissez-moi vous expliquer le sketch. Le professeur Suzuki a dit: はい、今日はここまでです。Voici où nous en sommes aujourd'hui. はい signifie oui, maintenant d'accord. On utilise ce mot principalement comme réponse affirmative ou pour répondre lorsqu'on nous appelle par notre nom. Mais dans ce cas, on l'emploie pour obtenir l'attention des étudiants. Kyo signifie aujourd'hui. Wa est la particule qui indique un sujet. Kokomade signifie jusqu'ici ou jusqu'à ce point. Il est composé de koko ici ou ce point et de la particule made jusqu'à. Des est une manière polie de conclure une phrase. Le professeur Suzuki poursuit. 来週の月曜日に試験をします。Lundi prochain, vous aurez un examen. 来週 signifie semaine prochaine. No est une particule qui lie les substantifs. 月曜日 signifie lundi. Ni est une particule qui indique le temps. 来週の月曜日に signifie lundi de la semaine prochaine. 試験 veut dire un examen, un test ou un questionnaire. O est une particule qui indique l'objet d'une action. します signifie faire. 試験をします veut dire passer un test, un examen. 試験 peut aussi se dire testo, n'est-ce pas? Oui. Anna demande au professeur Suzuki. 先生 辞書を使ってもいいですか? Professeur, peut-on utiliser le dictionnaire? 先生 signifie professeur. On peut également ajouter le nom de famille du professeur et dire 鈴木先生. Est-ce une erreur d'appeler un professeur par son prénom? En public, on appelle généralement les gens par leur nom de famille. C'est aussi le cas au travail. 辞書 signifie dictionnaire. O est une particule qui indique l'objet d'une action. 使って est la forme en T du verbe 使います. Utiliser. Si l'on combine les verbes de forme T avec もいいですか? Puis-je, on demande si l'on a le droit de faire quelque chose. Vous avez appris cela, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, 使ってもいいですか? Signifie peut-on utiliser le dictionnaire? Le professeur Suzuki répond. Non, vous ne pouvez pas. Iie signifie non. Dame signifie ne pas pouvoir ou ne pas. On l'emploie lorsque l'on dit aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose. Des est une manière polie de conclure une phrase. Dame est un terme informel. On l'utilise avec nos amis ou nos subordonnés. Faites attention de ne pas l'utiliser avec vos professeurs ou vos supérieurs. Le professeur Suzuki poursuit. 使わないでください. Veuillez ne pas l'utiliser. C'est notre phrase clé aujourd'hui. C'est dommage pour Anna. 使わない. Signifie ne pas utiliser. C'est la forme informelle de 使いません. Qui est la forme négative de 使います. Utiliser. 使わない se termine avec nai. C'est donc la forme nai d'un verbe, n'est-ce pas? Oui. Si l'on ajoute でください. À la forme nai des verbes, on demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. 使わないでください signifie Dans ce cas, veuillez ne pas utiliser le dictionnaire ou n'utilisez pas le dictionnaire, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Oui, exerçons-nous à le dire. 使わないでください。 Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 24. Notre phrase clé aujourd'hui est 使わないでください。 Veuillez ne pas l'utiliser. はい、今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 Oh no! 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris l'expression Tsukawanai de Kudasai. Veuillez ne pas l'utiliser. Merci de nous enseigner plus précisément ce qu'il faut dire à quelqu'un pour qu'il ne fasse pas quelque chose. Demandons à notre professeur. Lorsque l'on veut dire aux autres ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire, on combine la forme « nai » des verbes et « de kudasai » et l'on dit « nai de kudasai » « veuillez ne pas le faire ». Par exemple, essayons de dire « veuillez ne pas y aller ». La forme « nai » du verbe « ikimasu » « aller » est « ikanai ». On lui ajoute « de kudasai » et on dit « ikanai de kudasai ». « Veuillez ne pas y aller ». Il existe aussi des expressions pour dire clairement à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Dans la leçon 22, on a appris qu'on peut combiner la forme en « te » des verbes et « wa ikemasen » et dire « te wa ikemasen » « ne fais pas ça » ou « tu ne dois pas faire ça ». Par exemple, « n'y va pas » se dit « itte wa ikemasen ». « Te wa ikemasen » s'emploie lorsque des supérieurs réprimandent des jeunes gens ou que les parents enseignent à leurs enfants à ne pas faire quelque chose. Les Japonais essaient d'éviter d'exercer des pressions psychologiques sur les autres. C'est pourquoi ils diront plutôt « nai de kudasai » lors de leurs conversations quotidiennes. Une autre expression pour dire vigoureusement aux gens de ne pas faire quelque chose est « dame desu ». Ne faites pas quelque chose, comme c'est le cas dans le sketch de la présente leçon. Voici une façon astucieuse de s'y prendre pour rejeter une offre sans froisser les gens. On peut dire quelque chose comme « それはちょっと ». J'ai bien peur que cela ne soit un petit peu... Essayez-la. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. En utilisant... Boubou. On exprime comment les gens rouspètent vivement et se plaignent avec mécontentement et insatisfaction. Boubou, ça ressemble vraiment à quelqu'un qui se plaint. Voici une autre façon d'exprimer l'insatisfaction. Une personne murmure son insatisfaction à voix basse. On emploie Boutzboutz pour décrire comment les gens marmonnent ainsi pour eux-mêmes. J'essaierai d'éviter de trop marmonner Boutzboutz. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de boubou et de boutzboutz. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. La prochaine fois, nous aurons un court examen. On ne peut pas utiliser de stylo à billes durant un examen. On nous dit d'utiliser un crayon et une gomme. Je dois m'assurer de toujours en avoir avec moi. La leçon 24 vous a plu ? Notre phrase clé aujourd'hui était... 使わないでください。 Veuillez ne pas l'utiliser. La prochaine fois... Nous vous parlerons plus en détail de la vie universitaire d'Anna. Ne manquez pas notre prochaine leçon.